Ça rêve de gros chèques, ça rêve de gros chèques. Ça accepte pas l'échec, cherche sa fée clochette. Je les baise en brochette, coupe sur le tech ou brochette. Le quartier sur la pochette, le quartier sur la pochette. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux fumer mon pet tout en étant cool. Je suis sous flash, je fais un tour en ville, je vois des têtes bizarres, gros ça sent l'embrouille. Là je viens de faire l'instru dans le studio, ça danse la lambada. Au check pour jobber ça devient laser, y'a des caméras sous les lampadaires. Qui sera là en cas de guerre, sature trop, je m'évade vers la mer. Les jaloux aiment remuer la merde, mais je les fuck trop, ouais sur le grand-père. Je vais sortir l'ovni, tu me diras si ton MC s'en est remis. Parle-moi dans leur son à croire qu'ils me love me. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour me. Et ça se frappe des mi-temps pendant que les schmitts font des temps pleins. Ma bande c'est celle des petits cons qui donnent sans permis avec le machin. Ça rêve de gros chèque. Ça rêve de gros nec, ça c'est pas l'échec. Cherche à fait gauche, je les baise en brochette. Coupe sur le tech ou broche. Le quartier sur la pochette, le quartier sur la pochette. Que je me tire de la rue dans mon check, y'a pas de banc, on traîne sur la route. On connaît la vie, oui la rue. Et tu le sais ce qu'ils disent, rien à foutre. Ça te nique tout même ton paquet de blonde. Ça t'en dit quand tu passes avec une belle blonde. Dans un bolide de fou, une soucoupe, un bruit de fou quand tu passes la seconde. Au check c'est l'Arizona, je vois que des bandits zonés. Au check c'est l'Arizona, je vois que des bandits zonés. Et ça se frappe des mi-temps pendant que les schmitts font des temps pleins. Ma bande c'est celle des petits cons qui donnent sans permis avec le machin. Ça rêve de gros chèque, ça rêve de gros schneck. Ça accepte pas l'échec, cherche ça fait clochette. Je les pèse en brochette, coupe sur le tech ou brushing. Le quartier sur la pochette, le quartier sur la pochette. Et ça se frappe des mi-temps pendant que les schmitts font des temps pleins. Ma bande c'est celle des petits cons qui donnent sans permis avec le machin. Ça rêve de gros, ça rêve de gros, ça accepte pas les chèques. Cherche ta fée cloche, tu les fais en broche. Coupe sur le tech ou broche. Le quartier sur la pochette, le quartier sur la pochette. Ça fait cloche, je les baise en broche. Coupe sur le tech ou broche, l'autre ni sur la poche. Le quartier sur la pochette.